Ouais. Ok, je m'en pars du mic, encore une fois. J'ai perdu la foi, fuck ce que tu crois. J'ai pas besoin de toi, dans mon esprit mes pensées se percutent. Mais mes faits, qu'un nu percute, je suis perdu. On me regarde comme si j'étais différent dans la rue. Mon teint est clair, je vis l'enfer. Appelle-moi Lucifer et j'en suis fier. Au fond de moi, je rêve d'avoir une femme sage comme Alika. Aux gens magnifiques, puis fonder une famille, avoir plein de filles. Ouais, je rêve de ça, fuck ce rêve, car il faut se battre pour gagner. Malheureusement, je suis blessé, c'est le repos du guerrier. Continue à pousser. Je reste à tes côtés, pourquoi t'abandonner? Non, je te laisse pas crever. Big up à mes vrais amis, Max et Vince, fidèle pour la vie. Appelez-moi en cas d'ennui, mes ennemis ont des plans machiavéliques. Qu'aurait été le rap sans Machiavelli? On pleut en paix, on mit sur les bancs de l'école, rêvant d'un monde meilleur. Puis quand la cloche sonne, c'est le retour dans la vraie vie. Et mon rap est fini, je sens qu'elle rirouma. Merci de l'éducation, je ferai bien attention. Même si souvent je fais le con, l'air me donne des ailes, je plane et laisse les problèmes en bas. Chaque jour je me bats pas contre toi, mais contre moi, juste pour moi. C'est dur d'être comme moi. J'ai vu le mal dans tes yeux, ne lève pas une arme sur moi, car je suis comme toi, un être humain, un frangin. On verra si la vie sera mieux demain. Je cherche pas à être malin, mais viens dans mon esprit voir ce qu'il y a d'écrit. Yes, yes, yes. Et si je venais à mourir, j'espère rester dans vos esprits. Trop de gens sont aveugles face à la vie. Nos vies se résument pas qu'à souffrir. Tu piges, tu kiffes, voilà ce qui se trouve dans mon esprit. Je crois toujours en une meilleure vie, mais je cache pas que c'est dur à croire, dur à boire, comme les conneries racontées par Sarkozy et compagnie. J'écris sans doute l'un de mes derniers textes, car de calme a besoin ma tête. Je sais que c'est pas le genre de son qu'on passe en fête, mais pour moi ça le fait. Je te le répète, j'arrête. Maintenant ouvre la porte et sors de mon esprit. Ok, je t'ai donné un aperçu de ce qu'il y avait dans mon esprit.